après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse tourtière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. Bonjour tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional de ce vendredi 7 septembre. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant de golf. D'abord, c'était l'Omnium Canadian Pro Tour qui débutait hier sur les allées du club à Laval. Et ça a très mal été pour Pierre-Alexandre Bédard. Bédard qui a joué un plus 3. Normalement, il devrait faire partie de la coupure. Il se trouve actuellement au 128e rang. Il prenait part à son deuxième départ à compter de 9h10 ce matin. Il faut absolument que Pierre-Alexandre Bédard fasse une très bonne ronde pour éviter la coupure. On va parler maintenant du côté des Saguenayens de Chicoutimi. Les Saguenayens de Chicoutimi vont recevoir les Drakkars de Bécomo ce soir à Alma. C'est le traditionnel match annuel au Lac-Saint-Jean. On sait qu'en 2016, ça avait lieu à Robertval, l'an dernier à Dolbeau-Missassigny, et cette année, c'était à Alma. Il y avait 400 billets seulement vendus hier pour l'affrontement. Et on a parlé avec Jonathan Harvey. Et Jonathan Harvey a bon espoir de vendre les 850 billets qui étaient disponibles pour cette rencontre. On va parler de pétanque maintenant. On sait que c'est le championnat du monde de pétanque qui va avoir lieu très prochainement à Desbiens. Ça va commencer la semaine prochaine. En entrevue sur les ondes de danreseausport.com hier, Yannick Lolé, qui est un joueur de l'équipe canadienne, a mentionné qu'il était très content, évidemment, que le tournoi se fasse à Desbiens. Je pense que ça va nous donner un second souffle. Dans les moments difficiles, ils vont être là pour nous aider et nous encourager. Puis dans les moments forts, ben ils vont être là pour tenir le fusil de guerre. Là. Ils okay. vont nous motiver, je pense. Okay. Yannick Lolé vise un podium. On n'a pas envoyé une équipe aussi forte que ça. Puis c'est vrai qu'on est quatre excellents joueurs ensemble, réunis dans la même équipe. On a un bon esprit d'équipe, une belle entente. C'est que nous, c'est sûr, entre nous, on se parle. Puis nous, notre objectif, c'est de faire un podium. On peut créer des surprises. Après, ça dépend beaucoup du tirage au sort. Parce que c'est sûr qu'il y a des puissances mondiales qu'on est mieux d'éviter en cours de route puis les affronter plus loin, plus que le champion du monde va avancer. Mais après, ben on peut pas gérer ça contre qui on va jouer, mais c'est prenable. Là. Je veux dire, on est capable de faire un podium. Si on a un bon tirage en notre faveur et qu'on joue les bonnes parties au bon moment, on peut faire un podium. Et dans ce dernier temps, Yannick Lolé mentionne les puissances contre qui Canada devra batailler. Dans les 15 derniers championnats du monde, ils ont été 14 fois champions du monde. Okay. Il y a la Thaïlande, Madagascar qui sont champions du monde en titre. Il y a l'Italie qui sont aussi très, très forts avec un jeune joueur qui s'appelle Diego Rizzi qui fait tout le circuit français tous les ans. OK. Puis, il y a beaucoup de pays d'Afrique aussi. Il y a le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Les voyageurs de Ville-Saguenay sont au pied du mur hier. Les voyageurs qui ont subi une raclée de 8-1 face au Diamant de Québec. Donc, le prochain match, l'équipe de Martin Pouillard va faire face à l'élimination. Et dans la Ligue de Balmoule de Robertval, hier, c'était un 2-3. Et le Garma a gagné 17-10 contre le Megavac. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Michel Lallemand, qui est le directeur général du club de golf de Chibougamo. On a parlé à Yannick Lolé, qui est un joueur de pétanque de l'équipe canadienne qui va participer au championnat du monde de pétanque à compter de la semaine prochaine à Desbiens. Et également, vous pouvez écouter d'autres entrevues dans la section entrevue de danradiosport.com. Le sport local et régional à danradiosport.com. La référence du sport, on s'en occupe.